إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور، ونسأله الإخلاص في الأقوال وفي الأعمال، ونسأله أن يبارك لنا في هذا المجلس ويفتح لنا فتحا مبينا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم نسألك بأن أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت، أسألك أن تفتح لنا جميعا أبواب رحمتك وأبواب علمك يا رب، ولا تتركنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، إن شاء الله on va continuer. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les bienfaits d'apprendre et de concrétiser l'Iman, ainsi que, Inch'Allah, les dangers de ne pas apprendre l'Iman ou de ne pas l'appliquer. Allah Azzawajal, par sa sagesse et par sa miséricorde et par sa puissance, il a créé les créatures pour l'adorer et il a fait en sorte que les cœurs de ses serviteurs, quand ils se rapprochent de lui, ils ressentent et ils goûtent les fruits de la foi, et cela les pousse à avancer encore plus vers Allah Azza wa Jal. Et cela les pousse à avancer plus vers Allah Azza wa Jal. Et parmi les bienfaits de la foi, Allah Azza wa Jal lui a dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens en français: ceux qui ont cru, ceux qui ont appliqué l'iman et qui n'ont pas entaché ou qui n'ont pas habillé leur foi par de l'injustice, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ceux-là ont la sécurité et ceux-là sont bien guidés. Quand ce verset est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset a été lourd pour les compagnons. Pourquoi il a été lourd? Parce que les compagnons vivaient avec le Coran. Les compagnons ont compris. Donc Allah Azul ici, il dit dans ce verset, ceux qui ont cru, il a donné une condition. Et qui n'ont pas habillé leur foi par de l'injustice, ceux-là, c'est quoi le résultat? Ceux-là, ils sont en sécurité et ceux-là, ils sont bien guidés. Les compagnons, ils ont cru que ne pourraient être en sécurité et ne pourraient être bien guidés que la personne qui s'est éloignée de toutes les injustices. Car les injustices sont de différentes sortes. Il y a l'injustice que la personne se fait envers elle-même, il y a l'injustice que la personne fait à d'autres créatures, et il y a l'injustice que la créature fait envers son Seigneur. Donc ici, ils ont cru ça. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a expliqué que il ne s'agissait pas de l'injustice qu'ils avaient compris. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, du serviteur Luqman, « Inna shirka la zulmun azim » Et certes, le shirk est une grande injustice. Et le verset « Ceux qui ont cru et qui n'ont pas habillé leur foi » par de l'injustice, c'est le verset 4. Donc, le prophète Sassoum, quand il leur a expliqué ce verset, il leur a expliqué que l'injustice dont Allah parlait ici, c'est qu'il a pris un autre verset, il a dit, Inna shirka lazumun lazim. Certes, le shirk est une grande injustice. Comme dit Ibn Taymiyyah ou Ibn Kathir, son élève, il dit, si on te demande quelle est la meilleure manière d'expliquer le Coran, alors dis le Coran par le Coran. Le Coran par le Coran. Il y a des versets généraux dans le Coran qui sont expliqués de manière particulière à d'autres endroits. Donc ici, le professeur Assoum, il a expliqué l'injustice ici avec un autre verset où Allah il dit certes l'injustice, certes le shirk est une grande injustice. Donc ici, on voit comment les compagnons, ils ont vécu avec le verset et ils ont cherché, ils ont eu une compréhension du verset et après ils ont été voir qui? Ils ont été voir le professeur Assoum pour que celui-ci leur explique et pour qu'ils puissent s'éloigner, ou plutôt pour qu'ils puissent acquérir la sécurité et la guidance dont Allah a parlé dans ce verset. Donc, ici, Allah Azzawajal, il donne une grande nouvelle à ceux qui ont réalisé la foi. C'est quoi? C'est qu'ils vont être en sécurité et qu'ils vont être guidés. Ici, la sécurité, c'est une chose que toute personne sur Terre recherche. Les gens qui subissent des guerres ou les gens qui sont menacés de diverses sortes, ils sont pas en sécurité, ils recherchent la sécurité. La sécurité, donc, au niveau matériel, c'est de se sentir à l'abri, de ne pas avoir d'ennemis, par exemple. Cette sécurité, elle est recherchée par tout le monde. Mais en vérité, si par exemple tu avais des ennemis qui te suivent, tu ferais quoi? La première chose, c'est, je pense, tu vas essayer de demander des caractéristiques sur ces ennemis afin de pouvoir t'en échapper. Tu vas demander ces ennemis, ils sont où? Ils ont quoi comme arme? Ils me menacent, ils ont quoi? Et la deuxième chose, tu vas faire les causes. Ainsi, si tu sais que ces ennemis t'attendent à un endroit, tu vas t'éloigner de cet endroit. Ici, la sécurité, la véritable sécurité, c'est la sécurité qui touche l'autre vie, la dernière vie. C'est la sécurité qui touche la dernière vie. Donc, ceux qui ne font pas de shirk, comme ils ont expliqué les savants, ici, celui qui fait la sécurité, on peut la décomposer en deux types de sécurité. Celui qui accomplit la foi complète, il a la sécurité totale et il a la guidance totale. C'est quoi la sécurité totale et la guidance totale? C'est que dès qu'il meurt, il va aller au paradis. Il a la guidance totale. La sécurité minimale, quelle est-elle? C'est le musulman, s'il n'a pas fait de shirk akbar ou de kufr akbar, il a la sécurité minimale et la guidance minimale. C'est quoi la sécurité minimale? C'est que il est sûr de finir ses jours au paradis, même s'il rentre en enfer. Et il a le minimum de guidance. Pourquoi? Parce que il est musulman. Donc ici, ta sécurité et ta guidance, elles sont proportionnelles à la réalisation de la foi. Donc ta sécurité et ta guidance, elles sont proportionnelles à ces deux choses-là. À la réalisation de la foi en science et en action. Si tu complètes ta foi en science et en action, tu as la sécurité maximale. Dès que tu vas mourir, Inch'Allah, tu rentres au paradis. Ta tombe, ce sera un jardin du paradis. La deuxième chose, parmi les bienfaits aussi de compléter sa foi, c'est quoi? C'est Allah Azzawajal a dit, donc là, il a dit, certes, nous allons secourir nos messagers ainsi que ceux qui ont assis le jour où les témoins seront levés, le jour du jugement dernier, c'est-à-dire. Ici, Allah Azzawajal, il va quoi? Il va donner victoire donc à ses prophètes et à ceux qui ont cru. De plusieurs manières. Parmi les manières dont il va donner victoire, c'est en faisant en sorte, Allah va faire en sorte que ses messagers et ceux qui ont cru auront le dessus. Il va les faire triompher sur les mensonges. Comme il l'a fait avec le prophète Daoud, avec le prophète Suleyman, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah je lui dit dans la sourate 25, verset 33, il dit, ils ne viendront pas avec une ambiguïté, sans que nous venons avec une réponse meilleure. Donc ici, ce verset, comme a dit Mahi, général pour toute ambiguïté jusqu'au jour du jugement dernier. C'est-à-dire toute ambiguïté qui va toucher la religion, qui va toucher sur le Coran ou sur la Sunna authentique, Allah Azzawajal, il y a répondu. Sauf si nous, si on l'ignore, c'est dû à notre faiblesse au niveau de la science, mais les réponses sont là. Donc on a dit, Allah Azzawajal, il va donner victoire aux messagers et ceux qui ont cru. On a dit de plusieurs manières. La première chose, c'est faire en sorte que la vérité prenne le dessus sur le mensonge, et le mensonge ne prenne jamais le dessus sur la vérité. Donc je disais, celui qui se prétend prophète, soit il est véridique et les gens vont le voir. D'accord, j'étais en train d'expliquer le fait que Allah Azzawajal, il va donner victoire à la vérité, à ses prophètes et à ceux qui ont cru contre le mensonge et contre les menteurs. Donc je disais que celui qui se prétend prophète, il rentre dans un de ces deux cas. Soit il est vraiment prophète et Allah Azzawajal, il va l'assister en lui donnant des miracles. Soit il n'est pas prophète et lui il sait qu'il n'est pas prophète et c'est un menteur. Et dans ce cas-là, il n'aura pas de miracle et Allah ne va pas du tout l'assister. Et les gens vont pouvoir distinguer entre les deux. Comme Moussa Ilham al-Kadhdhab, par exemple. Il se prétend des prophètes et son nom, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, il s'appelle Moussa Ilham, le menteur. Et lui, il disait aux gens qu'il était prophète. Et par exemple, il y a des gens qui croyaient en lui et il leur amenait un enfant qui était malade. Et lui, il invoquait Allah et par exemple, l'enfant avait une maladie. Et quand il avait terminé ses invocations, qu'est-ce qui se passait? Il était malade, il perdait en plus ses cheveux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être guéri, sa maladie s'accentuait. Il était encore plus malade que quand il était venu. Alors que le prophète Sassoum, par exemple, a allé à la bataille de Khaybar, il avait mal aux yeux. Le prophète Sassoum, il a craché dans un de ses yeux et Ali, il voyait bien après. Ou un autre compagnon, je crois que c'était Qatada, il y a un œil dans une bataille qui lui est sorti de son orbite. Et le prophète Sassoum, il l'a remis jusqu'à que le compagnon ne savait pas lequel était. Donc les miracles du prophète Sassoum, ils sont nombreux et connus. Donc ici, je disais, Allah Azzawajal donne victoire à sa religion en faisant en sorte que la vérité a le dessus sur le mensonge. C'est pour ça qu'en vérité, une personne qui a deux choses va savoir que l'islam est véridique. C'est quoi ces deux choses? C'est la sincérité, et c'est pas suffisant, c'est faire des recherches. Toute personne qui recherche et qui est sincère va voir que l'islam est véridique. Parmi les choses aussi donc avec lesquelles Allah Jolie va donner victoire à ses messagers, à ceux qui ont, c'est en châtiant les menteurs, comme il l'a fait avec le peuple de Noé, par exemple. Avec le peuple de Moussa. Avec le peuple de Moussa. Quand on voit l'histoire de Moussa et de Pharaon, on voit que le pouvoir et que la gestion de l'univers n'appartiennent qu'à Allah sans aucun associé. Pharaon, il disait quoi aux gens? Il disait, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut, ne voyez-vous pas ces fleuves qui courent sous mes pieds? Il a prétendu la seigneurie et il a prétendu qu'il y avait des fleuves qui gèrent sur ses pieds, qui coulent sous ses pieds. Allah Azzawajal lui a fait quoi? Il lui a envoyé Moussa. Certains m'ont fasciné, ils me disent quoi? Que quand la mère de Moussa l'a mis Moussa dans le fleuve il allait à contresens et Moussa est monté dans l'autre sens. Ensuite, quand la femme de Pharaon Nassia l'a vu, elle a dit à Pharaon, prends-le, peut-être qu'il nous servira comme enfant. Ils ont fait quoi? Ils l'ont élevé. Donc Pharaon l'a élevé celui qui allait être la cause de sa perte. Il l'a élevé et quand il a voulu suivre, à la fin de sa vie pour le tuer lui, et ceux qui étaient avec Moussa, quand Pharaon il est venu avec son armée, Allah Azzawajal il l'a fait quoi? Il l'a englouti avec de l'eau. Donc regardez comment celui qui a prétendu Pharaon, celui qui a prétendu la seigneurie, et celui qui disait que les eaux coulent en dessous de mes pieds, regardez comment Allah Azzawajal il l'a coulé avec de l'eau. S'il était seigneur Pharaon comme il a dit, et si l'eau il pouvait la contrôler, il serait pas mort noyé. Et Allah il l'a humilié. Et ainsi, c'est comme ça qu'Allah fait, parce qu'Allah Azzawajal il refuse, et il l'a montré clairement dans le Coran, et il le montre aussi dans la gestion de l'univers, il refuse que toute personne, que la gestion de l'univers et le pouvoir appartiennent à autre que lui. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, parmi ses règles de gestion de l'univers, c'est de rabaisser tous ceux qui veulent s'élever et de élever tous ceux qui se rabaissent devant lui. Donc si tu veux qu'Allah t'élève, rabaisse-toi devant lui. Donc parmi les bienfaits aussi de la foi, c'est être allié d'Allah. Allah Azzawajal a dit quoi? Il a dit certes, les alliés d'Allah n'auront pas peur et ils ne seront pas tristes. Après, Allah Azzawajal les a décrits, ceux qui ont cru, ceux qui avaient la foi et qui craignaient. Après, Allah Azzawajal, il a encore donné des bonnes nouvelles pour ceux qui ont réalisé cela. Il a dit quoi? Ils ont la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'autre vie, il n'y a pas de changement dans la parole d'Allah, dans les paroles d'Allah, et ceci est vraiment la réussite grandiose. C'est Sourate Yunus, verset 62, 63, 64. Ici, quand Allah il a dit, les alliés d'Allah n'auront pas peur. Comme ils ont expliqué ce qui explique le Coran parmi les Mufassirin, ils ont dit ici, ils n'ont pas peur de tout ce qui les attend dans la vie dernière. Donc, tout ce qui les attend dans la vie dernière, ils n'ont pas peur. Tout ce qui concerne passer sur le sirat, tout ce qui concerne tous les détails de la vie dernière, ces croyants-là, ils n'ont pas peur. Quant à sa parole à Allah, ils ne seront pas tristes. Ici, ça concerne ce qu'ils ont quitté comme bas monde ici. Donc, ces croyants, ils n'ont pas peur pour ce qui concerne le futur de ce qui les attend comme épreuve. Et ils ne sont pas tristes en ce qui concerne le passé des choses qu'ils ont délaissées dans la vie d'ici-bas. De même qu'Allah lui dit dans un autre verset, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur walladina kafaru Allah je lui dit, verset 257, sourate Al-Baqarah, la sourate 2, Allah il dit à ceux qui ont cru. Et Allah je lui fait quoi avec ceux qui ont cru? Comment son alliance se concrétise? Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Regardez ici, il y a des ténèbres et une seule lumière. Les ténèbres, ils sont au pluriel et la lumière, elle est au singulier. Car le mensonge, il est multiple et la vérité, elle est qu'une. Tu dis, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit. Donc Allah, il les fait sortir des ténèbres. Comme il a été expliqué, c'est les ténèbres de la mécréance, les ténèbres du doute, vers la vérité. Donc il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ont mécru, leur allié, c'est qui? C'est le Tarout, les fausses divinités. Et ces fausses divinités, elles font quoi? Elles font sortir ces gens-là de la lumière vers les ténèbres. Ici, si on revient, on médite sur le verset, ce que je disais juste avant par rapport au fait que Allah Azzawajal, il a fait en sorte que la vérité, elle prenne toujours le dessus. Et il l'a montré clairement dans le Coran. Ici, même dans l'univers, Allah Azzawajal, il a fait que la lumière l'emporte sur les ténèbres. On imaginait que on soit dans un endroit noir dans lequel il n'y a aucune source de lumière. Jusqu'à que si tu es avec une personne, ni elle peut voir tes yeux, ni ton visage, ni rien du tout. Et de même, tu ne peux rien voir de son visage, de ses yeux, tellement il y a de l'obscurité. Ici, si tu ramènes une allumette et que tu l'allumes, l'allumette, elle va éclairer toute cette obscurité. Même si elle va éclairer un petit peu, elle va quand même éclairer. D'accord? Quand le soleil, il brille plus fort, par exemple, à midi, et qu'une personne veut ramener un drap noir pour cacher le soleil, elle va pas réussir avec ce drap noir à cacher le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peu de vérité, un peu de vérité efface les ténèbres, alors que beaucoup de ténèbres ne peuvent pas effacer la lumière. C'est pour ça que Mohamed Abouhet, je crois dans Kashfoubouet, il dit, une personne normale, des gens de la Sunna, peut battre 1000 savants parmi les savants des innovateurs. Pour jouer avec. La vérité, tu ne peux pas jouer avec. Donc parmi les, alors comme il a dit Ibn Kathir, donc il a expliqué, non, c'est un autre verset. Parmi les bienfaits aussi de réaliser l'hymen, donc juste, excusez-moi, il y avait un hadith aussi, j'ai pas dit. Le prophète Sassim nous dit que Allah dit, celui qui s'en prend à un de mes alliés, certes, je lui déclare la guerre. Après Allah, il dit quoi? Le serviteur ne se rapproche pas de moi de meilleure manière que par les obligations. Ensuite, le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes surrogatoires jusqu'à que je l'aime. Et si je l'aime, je suis son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je lui donne ma protection. Après, l'argent lui a dit quoi? Il a dit, et certes, comme j'ai hésité de prendre l'âme du croyant, car le ce qu'il déteste. Ici, si on revient au début, ici, ce hadith Qudsi, il est grandiose. Comme il dit Ibn Taymiyyah, il dit, il n'y a pas de texte en ce qui concerne l'alliance plus grand que celui-là. Ici, si on revient dessus, au début, Allah, il a dit quoi? Certes, celui qui prend en ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. D'accord? Donc on est en train de parler des bienfaits de réaliser l'hymen. Donc si tu réalises l'hymen, inshallah, tu rentres dans ce hadith, si tu complètes ton hymen. Donc ici, le croyant qui a un cœur vivant, c'est comme si, quand il entend la parole, celui qui prend un de mes alliés en ennemi, je lui déclare la guerre, c'est comme s'il avait demandé, mais moi j'ai envie d'être un allié d'Allah, comment faire? Et bien Allah il t'a répondu après. Donc ici Allah il t'a donné la recette, il t'a expliqué comment faire après. Il t'a dit, donc, les points ils sont là, comme suit. La première chose, Allah il a dit quoi? Le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, le serviteur ne s'est pas rapproché de moi de meilleure manière qu'avec les obligations. Donc le premier point, c'est que tu fasses les obligations. Donc les obligations, ça inclut toutes les obligations que tu dois faire, comme la prière, donner la zakat si tu dois donner la zakat, faire le jeûne, etc., etc. Mais aussi, ça inclut le fait de ne pas faire les péchés. Ensuite, Allah lui a dit quoi? Et le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes surrogatoires. Donc, une fois que tu as fait les obligations, c'est-à-dire que tu as fait toutes les choses qu'on a dit parmi, par exemple, la prière, donner la zakat, jeûner, Ramadan, et t'éloigner des péchés, tu rajoutes à tout cela faire des surrogatoires, ce que tu peux. Et ici, Allah lui dit quoi? Jusqu'à qu'il fasse des surrogatoires, il ne cesse de se rapprocher de moi en faisant les surrogatoires. Tout ce qui vient après, c'est quoi? Et si je l'aime, il est quoi? Je suis son ouïe avec laquelle il entend, je suis son ouïe avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, son pied avec laquelle il marche, et s'il me demande, je lui donne, et s'il me demande protection, je lui donne. Et regardez à la fin aussi, quand on médite ce hadith, comment il est touchant. Alors je lui dis quoi à la fin? Il dit, et certes, il n'y a pas une chose sur laquelle j'ai hésité, comme le fait d'hésiter de prendre l'âme du croyant, car le croyant déteste la mort, et moi je déteste ce que le croyant déteste. À savoir que ici, ce qu'il faut comprendre dans l'alliance, c'est que l'alliance, c'est quatre principales choses. L'alliance, c'est quoi? C'est le fait d'aimer, le fait d'être proche, le fait de donner victoire ou le fait d'être d'accord. Et l'alliance, elle est dans deux sens. Allah est l'allié des croyants et les croyants sont l'allié d'Allah. Donc ici, si on détaille, ça veut dire que Allah, il aime le croyant, Allah, il est d'accord avec le croyant, Allah, il donne victoire au croyant et Allah, il est proche du croyant. Ici, proportionnellement, bien sûr, proportionnellement à la réalisation de sa foi. Donc plus tu complètes ta foi, et plus Allah, il a les quatre choses envers toi. De même que le croyant, il aime Allah, le croyant, il est proche de la victoire à Allah, et le croyant, il est d'accord avec Allah. D'accord? Les quatre choses-là que j'ai dit, elles sont incluses dans l'alliance. Ici, je voudrais m'arrêter un petit peu. Pourquoi? Dans les rappels qu'on fait ensemble au sujet de l'hymen, il y a deux buts. Comme je vous le dis aujourd'hui, comme je le dirai souvent, Inch'Allah, car la répétition est la mère de l'apprentissage. Les deux buts, c'est quoi? C'est d'apprendre et de réaliser. D'apprendre, comprendre et de réaliser. Car apprendre tout seul, ça ne sert à rien. Quant au fait de réaliser, tu ne peux pas réaliser une chose que tu n'as pas connue. Donc, apprendre et réaliser. Et si on médite sur notre situation, la plupart d'entre nous, on connaît beaucoup de choses déjà, alhamdoulilah. Mais il faut qu'on se demande sur la quantité de choses qu'on connaît, ça a fait quoi sur nos cœurs? Ça a changé quoi dans nos vies? Ça nous est où? On en est où avec notre relation vis-à-vis d'Allah Azzawajal? C'est pour ça que le fait de connaître la vérité, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Surtout que ce qui aide beaucoup, c'est quoi? C'est de connaître la vérité en détail. Donc en fait, quelles sont les choses qui nous poussent à agir? Quelles sont les choses qui nous poussent et qui nous aident à agir? Parmi les premières choses qui nous aident à agir, qui nous poussent à agir, c'est quoi? Non, c'est but. De même, en méditant sur les bienfaits d'Allah sur toi. Ici, Allah Azzawajal, il t'a donné la vue, d'autres ne voient pas. Il t'a permis de parler, alors que d'autres, quand ils souhaitent parler, ils bégayent. Il te permet d'entendre, il y en a qui peuvent pas entendre. Il te permet de marcher, il y en a qui n'ont pas de pied. Il t'a mis en sécurité, il y en a qui sont pas en sécurité. Il t'a donné toutes ces choses-là. Comme on avait dit la dernière fois, et certes, si vous comptez le bienfait d'Allah, vous ne pourrez pas dénombrer. Mais le plus grand bienfait qu'Allah t'a donné, c'est de te permettre ici, tu as la base, d'appliquer cela. Donc, je disais, tu as la base, il faut quoi? Il faut maintenant que tu appliques. Quelles sont les choses? Pourquoi on n'arrive pas à appliquer? Donc, je disais, les choses qui vont t'aider à agir, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah avec ses noms et ses attributs et de te rendre compte des bienfaits d'Allah sur toi. On a dit, le plus grand bienfait, c'est qu'Allah il t'a fait comprendre que l'islam, c'est la vérité et il t'a donné l'islam. Parmi les choses aussi qui t'aident à agir, c'est quoi? C'est connaître état à toi de serviteur, ton extrême faiblesse, et ici, et ton besoin d'adorer. Comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit les créatures, elles ont tous besoin de deux choses. Elles ont besoin de choses qu'elles veulent, et elles ont besoin de se mettre sous la protection de choses dont elles ont peur. Ça, c'est commun à toutes les créatures. Maintenant, c'est quoi la différence entre les croyants et les mécréants? C'est que les créatures, les croyants demandent ces deux choses à Allah. Demandent ces deux choses à Allah. Donc, tout ce dont ils ont besoin, ils demandent à Allah. Et tout ce dont ils ont peur, ils demandent la protection à Allah. Et ici, ils ont eu quoi comme bienfait? Ils ont eu la véritable liberté. Ils ont eu la véritable liberté. Comme Allah dit dans le Coran, Allah donne un exemple, un homme qui appartient à plusieurs associés. Ces associés, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se disputent au sujet de cet homme. Et il dit, un autre homme qui appartient à une seule personne. Après Allah, il dit, est-ce que les deux sont semblables? Les deux ne sont pas semblables. Allah, il veut nous dire quoi? Allah, il appartient à plusieurs associés. Il a plusieurs. Par exemple, il travaille dans la peinture. Et on va dire, il a quatre patrons. On va les appeler A, B, C, D. Pour être plus simple, on va les appeler A, B, C, D. Ces quatre patrons, A, il lui dit, tu viens lundi à telle heure et tu me fais ce travail, tu me peins en blanc. B, lui dit, tu viens à une autre heure, mais tu viens mardi et tu me peins en rouge. C, il lui dit une information qui est autre, qui appartient à ces quatre patrons, c'est qu'il ne sait pas qui, à la fin du mois, va le payer. Il sait pas si chacun va lui donner un quart, ou il se peut que sur les quatre, il n'y en a qu'un seul qui va le payer. Il n'a aucune information sur ça. Vous pensez qu'il va être comment dans son cœur? Eh bien, il va être perdu. Parce que ici, il a besoin de manger, il a besoin d'avoir de l'argent, mais il a quatre ordres qui sont contradictoires et différents, et il ne sait pas à qui il va obéir. D'accord? Ici, c'est l'exemple du mécran. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui travaillait dans la peinture, mais on peut donner en vérité l'exemple du mécran dans sa vie quotidienne. Le mécréant, il reçoit dans sa vie quotidienne tout un tas d'informations. Et ces informations, il ne sait pas comment les gérer. Des fois, il doit obéir à son patron, mais son patron, ce qu'il veut, c'est contradictoire avec sa femme ou sa mère, qui veut que son voisin, qui veut autre chose, parce que il est en train de créer des créatures. Et ces créatures, elles sont imparfaites, donc elles ne peuvent pas lui donner un système de loi parfait. Et ces créatures ne peuvent pas non plus, avant cela, lui donner le bien qu'il souhaite, ou l'éloigner du mal qu'il souhaite. Tandis que le deuxième exemple qu'Allah il a donné, c'est le monothéisme qui appartient qu'à Allah. Allah Azzawajal, quand tu appartiens qu'à Allah, comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit quoi? Il dit, c'est-à-dire, d'accord. Donc on continue, on disait, le croyant, il appartient qu'à Allah, il appartient qu'à un. Ce un, c'est Allah, et Allah Azzawajal, il est parfait, et Allah Azzawajal, il est miséricordieux, et Allah Azzawajal, tout ce qu'il te donne comme loi, c'est un bien pour toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, combien l'affaire du musulman est étonnante, s'il lui arrive un bien, c'est un bien pour lui, et s'il lui arrive un mal, il patiente, et c'est un bien pour lui. Et il a dit quoi après? Il a dit, et cela n'est que pour le musulman. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est un bien. Même si toi, tu ne sais pas. C'est pour ça que, parmi les choses, on doit unifier Allah Azzawajal, l'acte avec lequel on unifie Allah Azzawajal, c'est Salat Istikhara, la prière de consultation. Dedans, tu demandes, tu dis quoi? Allah, tu dis, Allah, je te demande, car je sais, car je ne sais pas et tu sais, je ne peux pas et tu peux. Et à la fin, tu dis quoi à la fin de cette doha? Tu dis quoi? Et ensuite, si c'est un mal, éloigne-le de moi et fais que je sois agréé de ce que tu me prédestines. Donc ici, on disait quoi? On est en train de parler de la connaissance d'Allah Azzawajal et on est en train de parler de comment agir. Pour agir, en fait, il faut que nous, comme un commerçant, on fasse nos comptes. Non. Donc ici, tu dois faire les comptes. Tu dois comparer les bienfaits qu'Allah t'a donnés sur toi, donc matériel, mais en premier spirituel, à tes manquements et à tes péchés, et te rendre compte aussi que la vie est courte. Ici, quand tu médites sur ça, quand tu médites sur les bienfaits d'Allah, tu te rends compte par exemple que sur Terre, il y a 6 milliards d'habitants. On va dire sur les 6 milliards, à 5 milliards de mécréants. Après, sur 1 milliard de musulmans, tu te rends compte qu'Allah t'a favorisé, il t'a mis, Inch'Allah, dans les gens qui ont une bonne croyance. Sur combien il t'a favorisé? Ici, quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte qu'Allah il t'a favorisé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais tu te rends compte qu'aussi, toi, tu n'as aucun mérite dans ça, et même plus que ça. Non. Donc, je disais, Allah, il t'a favorisé sur beaucoup, et non seulement tu n'as aucun mérite dans ça, mais bien plus que ça, si tu analyses tes péchés et tous tes manquements, tu vas te rendre compte que tu ne le mérites pas. Enfin, ici, ça te donne quoi? Ça te pousse à agir. Et comment ça va te pousser à agir? C'est que quand tu vas te rendre compte de tous les bienfaits d'Allah qui t'a donné, et tu vas méditer maintenant sur toi, tes manquements, sur tes actes d'adoration, sur la mauvaise qualité des actes d'adoration que tu fais, sur le nombre de temps que tu perds, sur combien tu rigoles, sur combien tu perds ton temps, tu vas te rendre compte de quoi? Tu vas commencer à te rendre compte que si tu meurs comme ça, tu vas être menacé grandement de l'enfer. Et ici, quand tu vas te rendre compte de ça, tu vas commencer à agir. Pourquoi? Parce que si une personne, tu l'amènes dans une tour de 20 étages, une fois qu'elle est en haut, tu lui dis saute, elle va pas sauter. Elle n'est pas folle. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est pour ça qu'on a besoin de science. Parce que la science, elle t'aide à faire les comptes, elle t'aide à comprendre les détails. D'accord? Donc ici, plus qu'on parlait de ce hadith, je ne veux pas passer ce hadith sans que nous, bi'idhnillah, on s'engage Allah et qu'on va faire tout le temps, Inch'Allah. C'est quoi ces trois actions? Si on va essayer d'améliorer notre prière, c'est la première action. D'accord? La deuxième chose, c'est que tous les jours, on lit le Coran et on ne le lâche pas. Même si c'est 2 pages, 3 pages. Et la troisième chose, c'est tous les jours, on apprend quelque chose. Tu les marques et tu les lâches pas. Donc, faire la prière, essayer de commencer à t'entraîner. Comment? En faisant Qiyam Lil. Tu te lèves un petit peu avant, une demi-heure avant. Deux unités de prière. La lecture de Coran, tu essayes de lire le Coran, mais tu lâches pas tous les jours, tu lis. Au moins 1 page ou 2 pages. Entre parenthèses, ceux qui n'ont pas l'arabe, il faut apprendre la langue arabe, Inch'Allah. Ceux qui n'ont pas l'arabe, ils lisent en français. Pour commencer, au moins, il sera habitué, et quand il apprendra l'arabe, il sera habitué à un petit peu à comprendre les sens. Donc, pour ceux qui ont l'arabe, il essaie de lire le Coran en vidant son cœur, en se concentrant, donc en les faisant à l'heure. Et pour les frères, en faisant la première prière du matin à la mosquée. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le thermomètre qui permet de savoir où t'en es dans ta foi. Donc la prière du matin à la mosquée et le plus de prières possible à la mosquée. Et faire 2 unités de prière minimum, Qiyam al-Layl. Après la lecture de Coran avec concentration. Et la deuxième chose, apprendre. Et la troisième chose, Inch'Allah, apprendre. Apprendre, tu lis la sirah du prophète sallam, tu lis les livres de Tawhid et tu avances comme ça et tu ne lâches pas. Ici, le fait que tu fasses ces trois choses-là, ça va te permettre de commencer. Inch'Allah, la semaine d'avancement, on rajoutera d'autres peu de choses. Ici, Coran, ou 10 pages. Celui qui fait déjà des prières, alhamdoulilah, il rajoute. Celui qui a l'habitude de lire ou d'écouter des dourous, eh ben, il rajoute aussi. Quant à celui qui fait pas, il fait des choses, il se fixe des objectifs minimaux, mais qui ne va pas lâcher. Ici, le fait que tu te les fixes, ces trois objectifs, ça va te permettre au moins 2 choses. La première chose, c'est quand tu as 2 objectifs, ça te sort un peu de l'insouciance parce que tu as des choses vers lesquelles tu veux tendre et tu veux aller. Et si on médite sur les mécréants, ils n'ont pas de tawakkul. Ils ne passent pas leur confiance en Allah. Et pourtant, ils placent leur confiance ils placent leur confiance sur les causes, et malgré ça, ils arrivent à obtenir plein de causes qu'ils veulent. Et pourquoi? Parce que une des raisons de cela, c'est qu'ils se fixent des objectifs et ils essaient de les atteindre. Donc si ces gens-là, ils se fixent des objectifs et ils essaient de les atteindre pour des choses de dunya, est-ce que nous, on n'est pas plus en droit à se fixer des objectifs pour la vie future, pour échapper à l'enfer et pour aller au paradis? Bien sûr. Donc ici, le fait que c'était ces trois objectifs, je disais, ça va t'apporter au moins 2 choses. La première chose, c'est que tu vas te concentrer vers un objectif et ça va te permettre de ne pas être insouciant. Et la deuxième chose, ça va te permettre de faire des comptes tous les jours. Le jour où tu vois que tu n'arrives pas à tenir ces trois objectifs, alors qu'au début, tu t'es fixé des objectifs réalistes, c'est que tu as un problème. Si dans une journée, tu n'arrives pas à te concentrer un petit peu dans la prière, Et si tu n'arrives pas à lire deux pages du Coran, et si tu n'arrives pas à lire au moins une demi-heure ou écouter un verse de demi-heure, tu fais quoi dans ta vie? Alors, j'ai les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Tu fais quoi dans ton adoration? Si tu ne fais pas ça, qui est un minimum, il faut pas que Shaitan, il vienne et te fasse espérer le paradis. Je veux pas vous faire peur avec l'enfer. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Voilà. Donc ça, on a dit, on est en train de parler de quoi? De, ici, l'alliance d'Allah, d'obtenir l'alliance d'Allah. D'accord? Parmi les bienfaits aussi, c'est l'obtention qu'Allah est agréé. Et du paradis aussi, Inch'Allah. Prenne ta défense. Alors je lui dis quoi? Certes, Allah prend la défense de ceux qui ont cru. Parmi les bienfaits aussi, donc ici, Abu Ahmed Saadi dit quoi? Allah, chaque croyant a ici, donc Allah il prend sa défense en fonction de quoi? En fonction de sa foi. Proportionnellement à sa foi. Il y a une chose que je veux dire par rapport à tous les bienfaits qu'on parle sur l'Imen. Ici, on donne des choses qui sont une théorie. Et ces choses qui sont théoriques, toi, tu vas les comprendre quand quoi? Quand tu vas les vivre. C'est quand tu vas les vivre que tu vas les comprendre. Parmi les bienfaits aussi de la foi, c'est quoi? C'est qu'elle t'apporte le bonheur. Alors, Dieu lui dit quoi? Certes, ceux qui ont cru, quiconque homme ou femme fait une bonne action tout en étant croyant, c'est quoi le résultat? Je leur ferai vivre une vie heureuse. Je leur ferai vivre une vie heureuse. Ici, c'est le verset 97, 16. Donc ici, toute personne musulmane ou mécréante, elle recherche sur terre le bonheur. La différence, c'est que les musulmans, Allah il t'a donné la recette du bonheur. Ici, c'est quoi la recette du bonheur? Il a donné quoi? Quiconque, homme ou femme, fait des bonnes actions et est croyant. Donc le bonheur, c'est deux choses. C'est quoi? C'est être croyant et faire des bonnes actions. Le résultat de ça, Allah lui a dit quoi? Certes, je lui ferai vivre une vie heureuse et je le récompense. Ici, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, ils disent, qu'Allah leur fasse miséricorde, vraiment un trésor. Ils disent quoi? Ils disent que si tu ne trouves pas de douceur dans tes actes d'adoration, alors remets-la en question. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzajal, parmi ses noms, c'est Ash-Shakur, celui qui est reconnaissant. Donc Allah, le fait qu'il soit reconnaissant, il va te donner ici-bas et dans l'au-delà. Si tu te concentres et que tu fais bien la prière, eh bien, tu vas sentir ce dont le prophète sallam m'a parlé en disant que la foi avait un goût. Ibn Taymiyyah, il dit quoi à propos de ça? Il dit que le goût, le mot goût, s'emploie pour des choses dont tu peux sentir avec les sens. Tu peux goûter avec les sens. Et il dit, donc la foi, elle a vraiment un goût que tu peux sentir. Donc ici, si tu t'appliques à faire les actes d'adoration comme Allah lui veut, ici tu vas faire quoi? Tu vas sentir le goût de la foi et Allah il va te récompenser ici-bas, d'accord? Avant l'au-delà. Comme il dit Ibn Taymiyyah, il y a certes un paradis ici-bas, celui qui n'y entre pas dans le paradis d'ici-bas n'entrera pas dans l'autre. De même qu'un pieux disait, il m'arrive de vivre des moments que je me dis, si les gens du paradis sont dans cet état, ils sont certes dans un état très bien. Alors que ce pieux qui vivait ces moments-là, on sait très bien que même si ces moments-là, ils étaient bien, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec le paradis. Un autre pieux disait quoi? Comme les gens d'ici-bas sont pauvres, il disait les pauvres, les gens d'ici-bas. Ils ont quitté la vie et n'ont pas goûté la meilleure chose qui était présent dans cette vie. Et quand on lui a dit c'est quoi la meilleure chose, il a dit c'est l'amour d'Allah, la connaissance d'Allah, le fait que tu te rapproches d'Allah Azzawajal. Regardez ici, si on médite sur la situation de certains, de certaines stars, de certaines personnes, certains mécréants, que d'autres mécréants prennent en idole. Comme des stars, des chanteurs, des musiciens. On va se rendre compte que ces gens-là, ils ont acquis, en termes de biens matériels par exemple, en termes d'argent, en termes de renommée, en termes de tout un tas de choses que la plupart des gens recherchent ici de manière matérielle, ces gens-là, ces choses-là, ces gens-là, ils les ont eues. Pourtant, beaucoup d'entre eux se suicident. Donc, si le bonheur était dans ça, si le bonheur était dans ces choses matérielles, ces gens-là, ils auraient atteint le bonheur et forcément, ils ne se seraient pas suicidés. Non, mais Allah, il a mis le bonheur, quoi? Il a créé les êtres humains pour l'adorer. et par sagesse et par miséricorde et par bienfait de sa part, il a fait que ton bonheur, il est dans la réalisation du but pour lequel tu as été créé dans l'adoration. C'est ça qu'Ibn Taymiyyah, il dit aussi, en parlant des mécréants, il dit, ces gens, ils vivent dans un malheur tel en fait, ils sont obligés de prendre tout un tas de choses qui viennent couvrir la raison, donc comme des drogues, comme de l'alcool, parce que quand leur raison elle est encore éveillée, ils sont trop malheureux. C'est pour ça qu'ils ont besoin de prendre des drogues, de prendre de l'alcool, de prendre toutes ces choses qui font que ta raison n'est plus là. Et après, c'est seulement quand ils sont dans cet état-là qu'ils arrivent à s'amuser. Vous imaginez, Ibn Taymiyyah, il disait ça, c'était à son époque. Aujourd'hui, on le voit, les gens ne peuvent pas faire la fête. Peuvent pas faire la fête s'ils n'ont pas d'alcool, s'ils n'ont pas de drogue, ils peuvent pas s'amuser. Donc ici, Ibn Kathir dit, par rapport à la vie, donc on disait, quiconque homme ou femme fait des bonnes actions et est croyant, je lui ferai vivre une vie heureuse. Le fait d'être heureux. Et elle englobe aussi le fait que tu trouves un goût dans les actes d'adoration ici-bas. Et le fait aussi que quoi? Que tu fasses les bonnes actions et que ta poitrine soit élargie pour ça. C'est-à-dire que tu fais les bonnes actions et que tu aimes les faire et tu te presses pour les faire. Parmi aussi les bienfaits de connaître l'hymen, c'est de pouvoir ne pas être perdu. C'est-à-dire de savoir et de juger qui est qui dans la communauté. Prophète Sassoumi dit, ma communauté va se séparer en 73 sectes, tous en enfer sauf une. Quand on l'a interrogé sur quelle était cette secte, qui n'était pas en enfer, il a dit quoi? Ce sur quoi mes compagnons, moi et mes compagnons, nous sommes. Il n'y a aucun doute que ce sur quoi le professeur se mettait avec ses compagnons, c'était quoi? C'était la réalisation de l'hymen en science et en action. En science et en action. Et ici, quand je dis juger, je ne dis pas juger dans le sens condamné. Je dis juger dans le sens de savoir qui est qui. Tu es obligé de, pour chercher la vérité, puisqu'aujourd'hui tout le monde se prétend être sur la vérité et tout le monde prétend que les autres sont égarés, il faut bien un thermomètre, une balance, quelque chose qui nous permettrait de juger cela. Cette balance, c'est le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans cette balance même, la chose qui te permet de savoir qui est qui, c'est la compréhension de l'hymen. Si ta compréhension de l'hymen elle est correcte, comme le professeur nous l'a expliqué, alors tu sauras les autres, tu connaîtras les autres groupes qui sont égarés par rapport à la compréhension de l'hymen. Et ici, le devoir de toute personne de chercher cela, de toute personne de chercher cela. Et la langue arabe, elle est un outil important qui aide beaucoup à cela. Et Inch'Allah, on va arrêter là.